Chapitre 41e. La brebis égarée revient au bercail. Pendant sa maladie, Harry Clavering avait dit à sa mère des mots graves et solennels, que sa mère et lui regardaient tous deux comme une promesse de ne pas abandonner Florence. De quelques jours, ils ne revinrent pas sur ce sujet. Mrs. Clavering se reposait sur ses promesses, et Harry était bien aise de pouvoir s'excuser sur la faiblesse qui avait suivi sa maladie, de différer toute démarche active en cette affaire. Il n'avait plus de fièvre et était assis dans la chambre de sa mère, quand arriva au presbytère la lettre de Florence, et avec cette lettre, le petit paquet qu'elle avait si soigneusement enveloppé de ses propres mains. La veille avait eu lieu entre le recteur et sa femme une conversation qu'il importe de répéter. « Avez-vous entendu dire, dit-il à voix basse, bien qu'il n'eût personne autre dans la pièce, que Harry songe de nouveau à épouser Julie ?»« Il ne pense à rien de semblable, dit Mrs. Clavering. Et ceux qui le disent le calomnient. Ce serait une brillante affaire au point de vue de l'argent. Mais il est fiancé, et Florence Burton a été reçue chez nous comme sa future épouse. Je ne pourrais que regretter qu'il en fût autrement que vous le dites, mais ce n'est pas vrai. Je ne fais que vous répéter ce que j'ai entendu dire, répondit le recteur en poussant un léger soupir, un peu à cause du reproche indirect que lui avait adressé sa femme. Un peu de regret à la pensée qu'un si riche mariage ne fût pas possible à son fils. Le recteur commençait à être persuadé que son fils ne ferait pas fortune dans la profession qu'il avait embrassée, et pensait qu'un riche mariage viendrait fort à propos le tirer d'embarras. Le recteur aimait par-dessus tout les moyens doux et faciles pour se tirer des difficultés. Mais sur les questions de cette nature, sa femme avait une volonté ferme et puissante, et il ne se sentit pas le courage de conseiller une mesure prudente assurément, mais tout à fait contraire au sentiment d'un cœur généreux. Quand Mrs. Clavering reçut la lettre et le paquet le lendemain matin, Harry Clavering était encore au lit. Usant des privilèges d'un convalescent, il se levait quand le temps lui durait d'être au lit, et cela n'arrivait pas avant 11 heures. Le facteur arriva à 9 heures. La lettre était adressée à Mrs. Clavering, mais le paquet était adressé de la plus belle écriture de Florence à Harry Clavering, Esquire. « Maman, dit Fanny. Ce paquet est bien gros pour venir par la poste. Ma chère enfant, c'est un paquet d'une nature particulière. Cela vient sans doute de quelque marchand, dit le recteur. Non, vous vous trompez, dit Mrs. Clavering. Le recteur et sa fille comprirent après cela qu'il ferait mieux de ne pas adresser d'autres questions. Fanny avait porté à déjeuner à son frère dans sa chambre et Mrs. Clavering attendit qu'il eût fini pour se rendre auprès de lui. Elle voulait, du reste, étudia la lettre de Florence avant de parler à son fils. Quand elle en eut fini la lecture, ses yeux s'humectèrent de douces larmes. Elle comprit admirablement le sens de chaque mot écrit par Florence. Mrs. Clavering était bien ce que Cecilia se l'était représenté, bonne, loyale et assez juste pour comprendre que Harry devait conserver son amour à Florence et triompher de son caprice pour Lady Ongar. Dans aucun cas, elle n'aurait voulu voir son fils enrichi par sa femme, mais il eut rougi de le voir chercher la fortune dans un pareil mariage, dans de telles circonstances. La pauvre Florence, disait-elle, souffrait affreusement. Ce jour-là serait pour elle une journée d'angoisse, comme elle en avait déjà eu plusieurs depuis un mois. Mrs. Clavering croyait bien à la sincérité de son sacrifice, mais il ne fallait pas qu'il fût consommé, et ses angoisses devaient avoir un terme au plus vite. Son fils lui avait promis de revenir à Florence, et son fils lui avait toujours tenu parole. Elle ne le jugeait pas non plus trop sévèrement et tenait compte de la rude épreuve par où il était passé. Elle prit ensuite le petit paquet dans ses mains et se mit à songer à tous les instants, à toutes les heures de tristesse que Florence avait dû passer en le préparant. Elle avait dû toucher et retoucher l'un après l'autre chacun de ces objets, relire des fragments de lettres avant de les replier pour toujours. Que de larmes elle avait versées pendant cette opération. Chaque pli du papier, chaque cachet de cire apposé sur les plis attestait le soin minutieux, prolongé et douloureux qu'elle y avait apporté. Ce paquet lui serait renvoyé de suite avec un message de consolation et d'amour. Mrs. Clavering se figurait sa joie et son bonheur et ressentait avec elle toutes ses émotions comme si elle eût encore été à l'âge des amours. Harry allait se lever quand sa mère frappa la porte de sa chambre et entra. « J'ai à vous parler, mon cher enfant, dit-elle. Voici un paquet pour vous. » Harry tendit la main pour prendre le paquet et reconnut aussitôt l'écriture. Vous savez d'où il vient, n'est-ce pas ? Oh oui, ma mère. Savez-vous ce qu'il contient ? Harry garda le silence. Moi, je le sais, reprit-elle, car il m'a écrit. Voulez-vous voir sa lettre ? Harry tendit vivement la main, mais sa mère refusa de lui donner tout de suite la lettre. Avant tout, dit-elle, il faut nous entendre. Dites-moi, cette chère enfant, car elle m'est extrêmement chère. Sera-t-elle, oui ou non, votre femme ? Elle le sera, ma mère. Je reconnais mon cher enfant Harry. Je n'ai jamais douté de vous. Maintenant, vous allez voir sa lettre, mais n'oubliez pas qu'elle a beaucoup souffert. Je le sais. Sans votre maladie, tout se serait arrangé plus vite. Elle lui remit la lettre et s'assit auprès du lit pendant qu'il la lisait. Son premier mouvement fut de la surprise, ensuite ce fut presque de l'indignation quand il vit le ton ferme dont s'exprimait Florence. Elle renonça à lui d'une façon péremptoire et n'en montrait presque aucun regret. Il n'y avait aucune pleurnicherie dans ses paroles. Mais l'effet en fut tel qu'il se prit insensiblement à souhaiter de regagner celle qu'il avait été sur le point de rejeter. Il ne savait trop s'il y réussirait. Et cette incertitude enflammait son désir. À une seconde lecture, la beauté de Julie pâlit dans son imagination et Florence lui apparut plus attrayante que jamais. « Eh bien, mon cher enfant, » dit sa mère, quand elle vit qu'il avait lu la lettre deux fois. Grand était son embarras pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Sa honte d'abord, puis son indignation d'avoir été ainsi abandonné par Florence, et enfin son amour qui se réveillait avec une nouvelle ardeur. Il eût préféré ne pas en dire plus long pour le moment, mais sa mère voulait une réponse précise sur la conduite qu'il fallait tenir. « Voulez-vous lui écrire, ma mère, ou bien le ferai-je ? Je lui répondrai aujourd'hui même. Je voudrais, si c'était possible, l'assurer à l'instant même de votre inaltérable affection. Ne pourrais-je pas aller à Londres demain, ma mère ? Non, pas demain, ce serait imprudent. Vous partirez lundi, mais je vais écrire tout de suite. Je lui écrirai aussi quelques lignes. Et le paquet, je ne l'ai pas encore ouvert. Vous savez ce qu'il contient. Renvoyez-le tout de suite, Harry. Si je ne me trompe, elle ne sera heureuse qu'au moment qu'elle le recevra. Nous enverrons Jack à la poste pour le faire enregistrer. Cette question réglée, Mrs. Clavering retourna aux affaires de son ménage et se mit à chercher les mots qu'elle pourrait employer en écrivant à Florence pour lui rendre le bonheur. Harry restait seul, ouvrit le paquet, ne pouvant résister au désir de revoir les objets qu'on lui renvoyait. Il espérait même y trouver un petit bout de billet, un mot pour lui. Mais il fut déçu dans son attente. Le paquet contenant ses lettres parfumées de lavande, le riche bracelet qu'il avait offert à Florence et une broche toute simple qu'elle avait, disait-elle, appréciée plus que le reste parce qu'elle pourrait la porter tous les jours, puis un porte-crayon qu'il avait attaché lui-même à sa chaîne de montre pendant qu'elle le raillait de sa maladresse. Tous ces souvenirs lui remontèrent au cœur à mesure qu'il étalait ses objets sur son lit et qu'il relisait ses propres lettres. « Comme on devient sot à certains moments ? Dit-il en essayant de rire de sa propre émotion. Mais il n'en était pas moins disposé à rentrer dans le courant du passé et à s'abandonner aux émotions d'autrefois, si la chose n'était pas impossible. « Avez-vous ouvert le paquet ? Lui dit sa mère une heure avant le départ du courrier. « Oui, dit-il, j'ai cru devoir le faire. Si vous n'avez pas empaqueté de nouveau tous les objets, joignez-y cela. » Et elle lui donna un léger petit bijou. C'était un amour en mosaïque entouré d'un cercle de très petits diamants. Donnez-le-lui, mais non point de ma part. C'est à vous que je le donne. Maintenant, laissez-moi refaire le paquet. Harry se décida enfin à écrire quelques lignes. Très chère Florence, on ne veut pas me laisser partir, sans cela j'irai de suite vous trouver. Ma mère vous écrit, et bien que je n'ai pas vu sa lettre, je sais ce qu'elle contient. Vous pouvez croire tout ce qu'elle vous dit. Je vous renvoie le paquet et vous supplie de le garder. Je serai à Londres lundi, je l'espère, et je m'en rendrai aussitôt à Hounslow Crescent. Tout à vous, Harry Clavering. À la suite, il avait hâtivement griffonné un post-scriptum qui valait mieux que tout le reste. Je n'aime personne plus que vous, personne à moitié autant que vous. Ce que je vous dis est vrai, et l'a toujours été. Ces mots d'une sincérité un peu contestable furent acceptés par Cécile Burton comme une profession de foi qui méritait une pleine et immédiate absolution. La difficulté qui avait fait rappeler Harry au presbytère subsistait tout entière au moment où il se préparait à partir. M. Saul avait consenti à résigner ses fonctions et cherchait un emploi analogue dans quelque autre paroisse. Depuis son entrevue avec le recteur, il n'avait pas remis les pieds au presbytère, ni dit un mot à Fanny. Celle-ci avait promis qu'il n'y aurait aucune entrevue secrète et, à vrai dire, rien de pareil n'était à craindre. M. Saul agissait au grand jour, avec franchise et même avec audace. La situation de Fanny n'en était pas moins désagréable. Quand M. Saul avait commencé à lui faire la cour, elle s'était jointe au reste de la famille pour tourner son amoureux en ridicule. Elle avait, il est vrai, senti que M. Saul était à plaindre en cette affaire. Puis elle en était venue à regarder ses ouvertures comme quelque chose de très grave, et sans avouer à sa mère qu'elle éprouvait un vague sentiment d'affection pour le vicaire, elle s'était mise à parler de sa proposition comme une chose à laquelle rien ne s'opposait que son manque de fortune. À l'époque où nous sommes arrivés, elle s'en allait triste et rêveuse dans la maison comme une victime de l'amour dominée par sa passion pour M. Saul et attendant que la mort vînt la délivrer de la cruauté de ses parents. Elle ne se plaignait pas, ce n'était pas dans son rôle. Mais elle avait l'air abattue et mélancolique, et quand sa mère l'interrogeait pour tirer d'elle la vérité, elle se contentait de répondre avec une affectation d'obéissance que jamais plus elle ne prononcerait le nom de M. Saul. Celui-ci, de son côté, s'occupait de ses travaux dans la paroisse avec une farouche énergie, suppléant sans rien dire à la paresse du recteur. Il aurait prêché tous les sermons et se serait chargé de tous les offices pendant 6 mois, si on le lui avait permis. Il était assidu dans les écoles qu'il visitait plus souvent que jamais. Il se montrait très courtois envers M. Clavering quand leurs fonctions les faisaient se rencontrer. Le recteur lui en voulait même de sa politesse, bien injustement. Tout cela réuni troublait sérieusement à cette époque le repos de la famille au presbytère. Le lundi arriva et Harry, en pleine convalescence, partit pour Londres. Au début du voyage, il avait le cœur léger et plein d'espoir. Mais il commença à se sentir mal à l'aise à mesure qu'il approchait de Londres. Il avait eu des torts, et il sentait que son premier devoir serait de les avouer, nécessité toujours fâcheuse pour les hommes. Les femmes, au contraire, semblent parfois aimer ce rôle. Se confesser et faire acte de repentir paraît tout naturel à une femme, et ses aveux ont un charme particulier tombant de ses jolies lèvres et prononcés d'une voix aimante. Mais l'homme qui peut, sans une douloureuse violence, avouer une faute à un autre homme ou à une femme, n'est qu'un être d'assez peu de valeur. Harry redoutait donc la dure nécessité où il serait. Cependant, ce n'était pas là tout. Après avoir fait sa confession à Florence, par qui sans doute elle serait bien accueillie, il faudrait la faire aussi à Julie. C'était là le plus difficile de sa tâche, bien qu'il pût renvoyer cette seconde visite au lendemain. Comme il l'avait promis, il se rendit le soir même à Onslow Terrace, et à 8 heures, le cœur tout palpitant, il frappait à la porte de Mrs. Burton. Le jour où sa lettre était arrivée de Clavering à Onslow Terrace, M. Burton avait dû quitter Londres de bon matin, et il était déjà parti quand le facteur arriva. Cécile et Florence, bien qu'elles n'eussent plus échangé un mot au sujet de Clavering, n'en étaient pas moins fort préoccupées. Elles savaient que sa réponse, si elle venait, devait arriver le matin. Et en attendant le coup du facteur, toutes deux tressaillaient involontairement. Il n'y eut pas un mot de prononcé cependant, et ni l'une ni l'autre ne quitta la table où elles étaient à déjeuner. La domestique entra avec un paquet de lettres. Il y en avait 3 pour M. Burton, 2 pour Cécile et 2 pour Florence, sans compter le paquet pour lequel il fallait donner un reçu. L'émotion où l'avait jeté l'écriture de l'adresse qu'elle reconnut aussitôt lui permit à peine de signer son nom. Aussitôt après le départ de la domestique, Cécile n'y put plus tenir. « Je sais, dit-elle, que ces lettres viennent de Clavering. » Et elle se rapprocha de Florence. Celle-ci déposa instinctivement le paquet sur ses genoux et couvrit les lettres de ses 2 mains. « Oh, Florence, lisons-les, voyons-les tout de suite. Si nous devons être heureuses, sachons-le vite. » Florence, penchée sur ses trésors, osait à peine montrer son visage empourpré. Il n'était pas encore impossible qu'elle fût repoussée. Cécilia passa derrière sa chaise et la regarda d'un œil suppliant. « Je vais monter, » dit Florence. « Avez-vous donc peur de moi, Florence ?» dit Cécilia d'un ton de reproche. « Laissez-moi voir l'enveloppe au moins. » Florence lui tendit les deux lettres. « Puis-je ouvrir celle de Mrs. Clavering ?» dit Cécilia. Florence y consentit d'un signe de tête. Sa lettre fut décachetée, et au bout d'un instant, les deux femmes pleuraient dans les bras l'une de l'autre. « J'en étais bien sûr, » disait Cécilia. « Je n'en ai jamais douté un instant. Comment pouviez-vous parler d'aller à Stratton ?» Enfin, Florence s'avança vers la fenêtre et eut le courage d'ouvrir la lettre de son fiancé. Le soir seulement, elle fit voir à Cécilia le post-scriptum et le bijou qu'elle avait trouvé dans le paquet. « Je le reconnais bien, » dit Florence. Mrs. Clavering se portait au dîner chez Lady Clavering. Cécile devina par là la douce influence qu'avait exercée Mrs. Clavering sur la décision de son fils, mais elle n'en dit mot. L'essentiel était qu'il fût revenu et revenu repentant. M. Burton était encore absent quand Harry se présenta chez lui, mais cette fois son absence avait été préméditée pour mettre Harry plus à son aise. Il s'était retiré de bonne heure, et n'ayant pas de club où il allait d'habitude, il avait fort mal dîné dans un restaurant. « Ces dames sont-elles à la maison ?» demanda Harry bien inutilement. Il n'y avait pas de danger qu'elles fussent absentes en pareille occasion. La domestique lui répondit d'un ton gai en l'appelant par son nom comme pour lui montrer qu'il était aussi rentré en grâce avec elle, en même temps qu'avec sa maîtresse. Il savait à peine ce qu'il faisait en se rendant au salon. Il avait une vague appréhension et néanmoins, il allait au-devant de son sort comme le jeune soldat s'avance vers la tranchée où la mort l'attend peut-être. Harry marchait d'un pas rapide, et avant qu'il eût le temps de regarder autour de lui, Florence était dans ses bras. Peut-être la justice fut-elle un peu violée par l'accueil qui fut fait à Harry ce soir-là. Il s'était attendu à l'obligation d'avouer ses torts. Mais aucun aveu ne lui fut demandé. Il avait redouté une certaine humiliation à la suite de ses aveux. Mais les heures qu'il passa dans la maison ne furent qu'une longue ovation en son honneur. Il était pour ainsi dire élevé sur un trône, comme un roi qui revient d'une expédition glorieuse, et ses deux femmes lui rendaient hommage presque agenouillées à ses pieds. Cécile était pour lui presque aussi tendre que Florence et l'excusait sur sa maladie. Un peu de pâleur qui lui restait de son indisposition, une maigreur légère dans ses mains et un éclat un peu fiévreux dans son regard, le servirent admirablement. S'il eût été tout à fait bien portant, Cécilia n'aurait pas pu justifier à ses propres yeux la douceur des paroles qu'elle lui adressait. Au bout d'un quart d'heure, il se sentit souverainement heureux. Son embarras avait disparu, et en passant son bras autour de la taille de Florence, il s'aperçut que le petit porte-crayon avait été de nouveau attaché à sa chaîne de montre et la broche de nouveau fixée sur sa poitrine. Elles mirent toutes deux un art ingénieux à éviter tout mot, toute allusion qui eût pu lui être désagréable. Il paraissait difficile qu'il pût échapper à quelque reproche. Le pardon qu'on lui accordait supposait une faute à pardonner. Mais pas un mot ne fut dit de cette faute. Le tact des femmes est bien supérieur à l'habileté des hommes, et si grand fut le tact de Cécilia et de Florence que pas une de leurs paroles ne fut de nature à blesser tant soit peu Harry. Il était rentré au bercail. Elles s'en réjouissaient et ne cachaient pas leur joie. Elles accueillaient même avec une exquise tendresse la brebis revenue de ses égarements.